On a beaucoup de personnes aînées. La majorité vivent seules à la maison aujourd'hui. C'est pas comme dans l'ancien temps où ce que les parents pouvaient vivre avec les enfants. Aujourd'hui, ben la vie va plus vite, puis c'est plus le cas.